إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديال سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة وع الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندو ديمب نيغي وون تا فبروم تيري بي دون ليرالي لو اديو تي والو آيات كذلك ورا جيم تي لاغا خامني موي المخلوقات ayati muy kemtan yi waxon na ni ayat jam'u la manam mbolo bat bo xamni dañ ko def mu nek lo xamni day tektale lu bari manam pluriel benam muy singulier ba mufrad bi mom moy aya mu ne won aya ci lak li muy tekki moy al alama ala shay manam mandarga ci dara lo xamni mandarga yi ben mbir la mako lo xamni da fay tektale da fay mandargal ben nit ñu waxon ne istilahan mom moy al bayyina al wadhiha al dalla ala al murad manam mbir mo xamanteni ni mu leer la waye leer go xamni da fa nek lu fess leer nañ ci tektale la nga xamanteni ni mom lañu mom lañ ca djublu manam masalan tay su ben way ñewon ne alquran de dañ cey fekk fu suñu borom di aramalé ndialo ñu nako waw ana tektal bi ana dalil bi masalan mangok mune yalla neena wa aqimu salata wa atu zakah xam nga aya bobu tektal la mais hal yadullu ala al murad est ce que day tektale lañu soxla fi fi liñu soxla moy aya bu ñew di woné aram gu sangara aram wala aram gu ndialo aram mom mu indi aya bo xamanteni ni nam mi ngi ci al qur'an waye aya ba tektale wul lolu aya ba la muy tektale moy diglé guñ diglé julli ba bok kon gis nga manam dalil wala aya dafa wara nek lo xamni ya dullu ala al murad dafa wara nek luy tektale lañu soxla mango dafa wara nek luy tektal lañu sox manam mu dik nek lo xamni yunasib al mahall mu deppok place ba nga xamni fa ngoko indi mango lolé lañ ca soxla bu ko defé kon borom téré bi waxon na mu né doomu adama yi buñu xolé li leen wër xol ci seen bop dañu gis ay reproduction ay évolution gis nga yo xamni cycle la ay renouvellement yu bari bari bari ba ci yow ci sa bop gis nga mango renouvellement yu bari mi ngi xew ci sa yaram gis nga mango chaque jour ya nga am ay cellules mortes ak ay cellule yo xamanteni ni naissante lañ cellule yu judduat yu bessat gis nga renouvellement cellulaire gis nga sa cellule pooy gis nga mi ngi dé di rot mango xam nga bo da dugg ni ci all bi lélé nga gis la nga xamanteni ni mom moy sumiko jian manam jian des fois da fay muer gis nga mangok sopik der mangok sanze soumeku gis boko gisé ni day melni ben genre mbusu plastique bo xamni day yor forme jaan bi non ma nga summi ko jaan bi wala nga gis par exemple ginaar yi nga xamni ay yar kat lañ amna période bo xamanteni da ngay gis ginaar gi aha dunk yi da ngay gis dunk yi di rot yenen dunk yu bes di jebbi wat di gennat garab bi gis nga bo len xolé tam da ngay gis renouvellement bobu yow doomu adama lol tam mi ngi xew ci yow gis nga sa po ci sa yaram renouvellement day am cellule morte yi nga cellule di dé di wad xeyna nak tuti wayam motax do ko bayyi xel wala bok do setlu sa bop parce que dañu nek ci système bo xamanteni ni tay dañu accumuler trop de stress ba dootuñu setlu sun bop dañu tégal rek ben principe bo xamanteni ni dañu ci canaliser dañu ñi ngi dund endoctrinement bu metti tay wa lu gëna metti sax li juif yi doon dund ci camp de concentration nazi yi parce que ñom amuñu won choix lu gëna metti sax li occidentaux yi doon tek suñu mami ci esclavage bi lu ko gëna metti parce que ñom amuñu won choix ki ñu ñew forcer def esclave amul won choix mais tay yow am nga possibilité def choix am nga possibilité def ay recherche am nga possibilité geussu mais da nga opter pour le paresse intellectuel gis nga mango pour lan parce que dañ la naxé ay soi-disant plaisir par exemple le sucre qui est là que l'on nous vend laylan wa naharan on nous vend du sucre nuit et jour mais sucre bobu est-ce que poser une question fan la djougué lan moy ay composants lan moy conséquence sucre bobu ci sunu santé ñu on se pose même pas la question on consomme sucre da ngay sucre ndeki bi nga sucre beñe bi nga sucre ko bo defu ndank sax ciebu jeun amna ñu ci sanni sucre ciebu yap mom c'est prouvé gaay dañ ci def sucre pour doré ko donc plein de sucre après hop diabète tension après lan lu ci top hein rien yu yaq après nga dem dialyse est-ce que 65 000 francs par semaine wala par 15 jours un mois bi ñaata la ça te fait plus de 100 000 départ bi la la won sucre est-ce que c'est de la drogue là c'est de la drogue on nous drogue nuit et jour dañuy drogué mais cocaïne bi gis nga waji japp neex bi muy japp ci cocaïne bi mom ngay japp ci sucre bi mom ngay japp ci benen affaire mom ngay japp ci jumbo bi mom ngay japp fenen mom ngay japp ci cigarette bi mom ngay japp ci boisson bi non dafa neex mais ki borom cocaïne bi la dafa neex xeyna dose yi ñoo tolawul rek gis nga mangok mom ngay japp ci filior bi mom ngay japp fenen gis nga mangok seulement c'est fait d'une manière plus subtile lol mo fi ne parce que paré wuñu pour jël un court instant pour def effort on veut pas faire d'effort da ngay skuna la dama bëgg jang sax mais il ne veut pas faire d'effort mais quand même bo bëggé jang mais tu dois di nga déplacer wu passe dem wala da nga bëgg waji ñëw ba sa kër jangal la légui lim lay jangal aussi da ngay and ak benen paresse bo xamé non seulement ki lay jangal daf la fekk ci ya ngi dégg ki lay jangal amna benn borom xam bo xam lool mo taxone bour bi indil ko jafé dañ ko ñëwal jangal sima mak sama njabot en tant que bour mu ne ko xam dañ koy fekki waye xam du fekki gis nga mais effectivement bo bëgge mu am barké il faut nga def effort ci li ngay wut dañ ci def effort bo bëgge mu am barké mais tay on est trop paresseux légui nak non seulement yow waji dalay fekk ci pour jangal la mais say leçon sax do ko mokal ndax lan ndax tayal do ko mokal légui lo bëgg moy non oustaz amo foku kiss bo mo bindal quoi c'est de la paresse. C'est de la avec notion de qui se paresse là. Le cerveau, c'est un muscle. C'est un muscle comme tout autre muscle. Muscle, là, il faut l'exercer, tout simplement. C'est de la paresse. Travaillez l'esprit, travaillez le cerveau, travaillez le condamnant, adaptez-le, éduquez-le, orientez-le. Lola, mais effort beaucoup, parents, ils paraissent pour des fois. Ki jang parawul pour def légui lolé bing koy sé oustaz bindal ko kiss gis nga sunu xéttu tayal bobu buñ ci gennul mo raw bu mo gisé gaay ñi nan non on est des activistes damay re yow activiste ya ngi mëkk ci jimbo bi activiste ya ngi mëkk ci drogue sugar bi ya ngi mëkk ci glutomag monosodique bi yow activiste bo xamanteni tie sous l'emprise de multitude de drogue foy activé yo foy tie inactif foy activé wo Allahul musta'an lolu moy jafé xamatuñu suñu bop xamuñu suñu bop on a même pas le temps de talk pour ñun pour suñu bop 5 minutes amuñu temps am rythme bi nga xamni moy rythme biñ ñu tégal rythme de vie bi nga xamni c'est trop stressant mom lañuy top daw kër rek daw aduna kër li ngay def nonu à longueur de journée lo xamanteni endoctrinement la bo xamni c'est indirect bo xamni mom ngay répéter quotidiennement lolu moy ce style de vie gis nga nit ñi dañuy déké café ak mew nga déké café ak mew tu te poses même pas pourquoi mais pourquoi man awuma choix suma yéwo café ak mew mburo beur la wara déké pourquoi awuma ci choix pourquoi je ne vais pas chercher l'autre chose dédét kër gi yépp bu ñé café ak mew kër gi café ak mew kër gi café ak mew après añ bi ké bu jël la lutax amo choix añ bi c'est dire amo choix mais subhanallah bi fi ké duggé ba légui amuñu benen choix bu dul ci xolal lolu amuñu benen choix melni ciép kessa moy céréal tay bo xoyon def céré ay mais ku ñew fofu gis nga dalay japp yow yaay dof bi parce que ya indi lo xamanteni yow ya def lo xamanteni ni mbolo mi defuñu ko non ya mais jey ko liké ak céré dalay agné lakh dalay agné mais quand même kañ lañ commencé agné ciép xamuñu sun bop defuñu pour sun bop mais dañuy def and ak mbolo mi dañuy def and ak groupe bi lool nak mo dugg ci diina bi motax tay par exemple tay man buma bëggon tay créer sama benn courriel gis nga mais je vais animer damay animer rek un peu d'ambiance gis nga out par ci par là out benn waxkat bu saflami gis nga bongo out quelques contacts ci média yi mbolo mi muy ñew et puis lima yor day nekk diina bu ko mbolo mi approuver rek nit ñi rafetlu ko lima yor day nekk diina mo xam dañuy teug di fetch mo xam dañuy tok di lek mo xam luñuy def c'est comme ça même diina non la bu ko mbolo mi approuver rek jeexna gis nga sunu aduna sunu diina ci li lañuy dox wallahul musta'an yalla ñu borom bi jalla wa ala taxaw mais doyna war quoi doyna togal jëlal 5 minutes par jour nga consacrer ko pour ton bien nga tu te poses des questions gis nga ngay poser aux questions mais man ndeki bi ma nek ni sama choix bop la wala mbour ak beur café ak mew est-ce que ce choix bop la est-ce que sa yaram lool la laaj say cellule est-ce que lool lañ laaj hmm est-ce que c'est adapté parce que sa yaram buy laaj day laaj lo adapté est-ce que gis nga bango mais xolal sa mew mi qu'est-ce que c'est sa mew mi mew du lait qui est en poudre qu'est-ce que c'est lan la yeen composant lan ak lan lañ ko défar et le café la xolal façon café yi nga xamni mo fi nek café yo xamanteni des fois sax ça tu sens le goût de poisson dedans ñu né c'est du café nan la café que coloré ko fi publicité bum gis nga def caravane de publicité nga gis ko eh café bu bess bi et puis nga top ci ginnaw comme un esclave il est suite bo xé eh jama ci café bu bess gi eh jama ci jimbo bu bess bi jama ci ki bu li lañuy dundou dina aussi côté dina aussi non la may tok bam neex rek may dama bëgg dajalé ay millions qu'est-ce que je vais faire je vais bo dama démon ci yalla way yalla daf mo recevoir quoi bi mo ñëwé yalla gi lal ben tapis bu xonxo gay gax ci cheta do waji waliyu la ci yalla lay fanan mais on est tellement subha ci yalla lay fanan subhanallah mais yalla mo wax ci alcorane fofu dafa am fanan gaay to waji gi gis gaay ñew comment ci waji nitu yalla la nitu yalla sawrulla li moy sun dundu han pourquoi parce que dañu bayyi principe bi alcorane sunu borom dañe wa fi anfusikum afala tubsirun xana du ngeen xol sen bop mais ay bob nagn ko mettre en pratique wa fi anfusikum afala tubsiru sen bop xana du ngeen delu ci wat ci sen bop xana du ngeen delu revivifier sen bop yirndu wat sen bop xolat sen bop wallahu almusta'an yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala gindi ak ño soxla gindiku subhanallah ak ño soxla gindiku te ñun ñi ngi yaakar ñu siècle de lumière wala ère de lumière lañ nekk te xolal ci ignorance bi nekk ak ci forme d'esclavage bi nekk ak ci forme de manipulation ak endoctrinement bi fi nekk c'est sans précédent depuis nak la deuxième guerre mondiale ba légui c'est sans précédent yalla ñu yalla sam wallahu almusta'an bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh